谁把它扶着？那种拥抱，你看这巴黎组合呢，距离拉长的Ne t'inquiète pas, moi je connais des sourds, oh, oh. Prêt à parier sur toi, prêt à parier sur toi. Car maintenant que tu as le temps de pouvoir fermer les yeux pour la vie autrement, tu gagneras le jeu. Maintenant que tu as le temps de pouvoir fermer les yeux. C'est pas ta faute. Non, me crois pas ça. Tu en verras d'autres. Tu te relèveras. Mais ne dévie pas. Si loin, trop loin. Que tu as le temps de pouvoir fermer les yeux dans la vie autrement, tu gagneras le jeu. Maintenant que tu as le temps de pouvoir faire